Bonjour et bienvenue dans la rediffusion audio de l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, réalisée et produite par l'équipe d'animation du programme prioritaire de recherche Autonomie. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est l'enregistrement d'un direct qui a eu lieu sur YouTube. Vous trouverez dans la description de cet épisode toutes les informations sur ce format, ainsi que des ressources complémentaires. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour en apprendre plus sur nos activités et découvrir encore davantage la recherche sur l'autonomie. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Autonomie, l'actu de la recherche saison 2, produite et réalisée par l'équipe d'animation scientifique du programme prioritaire de recherche autonomie piloté par le CNRS. Je suis Marie Assaf, responsable de l'animation scientifique et je serai votre hôte ce soir, accompagnée de notre régisseur Marcel Duchemin, qui s'assurera que tout se passe bien du côté de la technique. Et côté interprétariat LSF, nous avons avec nous les équipes de SILS. Et comme pour toutes nos émissions, qui sont par ailleurs disponibles en replay sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur des applis de podcast et sur Canal U, tous les liens sont en description, le sous-titrage sera retravaillé en post-production pour permettre une meilleure accessibilité. J'ajoute que les magnifiques habillages que vous voyez dans ces émissions ont été créés par Jojo de Bleu Renard Studio. Et quant à vous, spectatrices et spectateurs, vous êtes avec nous par le chat et en commentaire. N'hésitez pas à nous poser des questions et à discuter. Donc la première partie de cette émission sera consacrée à la présentation du livre « Face à Alzheimer, l'expérience de la perte » de l'anthropologue Gloria Frison, publié en 2024 aux éditions du CNRS. Et la seconde partie de l'émission prendra davantage la forme d'une table ronde. Et ce soir, nous accueillerons Aude Béliard, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris-Cité et qui est membre du CERMES 3. Et dont les recherches s'intéressent au croisement entre la sociologie de la santé, de la santé mentale et de la famille. Et Denise Loprêtre, bénévole à France Alzheimer depuis 17 ans et présidente de France Alzheimer 93 depuis 4 ans. Marcel, est-ce que tu peux faire entrer Gloria, s'il te plaît? Bonsoir Gloria. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Marie pour l'invitation. Je remercie aussi l'éditeur, le CNRS, pour m'avoir accueilli dans la maison. Je tiens à remercier aussi la personne qui a permis mon étude, qui était mon directeur de thèse, parce que c'était une étude dans le cadre d'un doctorat. Mon directeur de thèse, que peut-être il est à l'écoute, mais sinon, je tiens quand même à le remercier. Richard Reichmann, directeur d'études à l'EHESS, à l'École des études en sciences sociales. Merci à tout le monde. Ben, je suis ravie, en tout cas, de te recevoir ce soir pour parler de ton ouvrage. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose de revenir sur ton parcours et je te laisserai compléter s'il manque quelque chose. Donc, comme tu l'as dit, tu es docteur en anthropologie sociale et en ethnologie de l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, ta thèse qui a été dirigée, comme tu l'as souligné, par Richard Reichmann. Et tu es actuellement chercheuse et enseignante d'anthropologie sociale et culturelle à l'Université de Pavie. Donc, Face à Alzheimer, l'expérience de la perte est issue de ta thèse, dans laquelle tu mêles analyse théorique et récit de terrain. Le tout ancré dans une démarche anthropologique fondée sur l'observation directe aux côtés des acteurs et en prêtant une attention à leur point de vue. Mais de manière plus générale, tes travaux portent sur les maladies neurodégénératives et le vieillissement dans la société. Et tu as publié plusieurs articles sur le sujet en interrogeant particulièrement le croisement avec des dimensions diverses comme la race, le genre ou l'expérience migratoire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'est parfait. Super. Je vais essayer de faire un résumé de ton livre dont la lecture, moi personnellement, m'a assez bouleversée. Donc, on imagine souvent la maladie d'Alzheimer comme une lente disparition, un nom qu'on n'arrive plus à retrouver, un visage oublié ou une identité qui s'efface. Mais cette image que nous avons tous en tête, donc celle d'une perte irrémédiable de la mémoire, de soi, du lien, est-elle si évidente au final? Et surtout, d'où vient-elle? Dans cet ouvrage, Gloria, tu enquêtes sur la manière dont la maladie d'Alzheimer est pensée, racontée et vécue. Donc, elle suit les parcours de malades, de leurs proches et de professionnels du soin dans ce qu'on appelle les consultations mémoire à l'hôpital, mais aussi dans leur quotidien. Et donc, tu montres que cette maladie, loin d'être une évidence biologique, est aussi une construction sociale, politique et culturelle. Et donc, en retraçant l'histoire du diagnostic, tu éclaires la manière dont Alzheimer est devenu un symbole un peu effrayant du vieillissement dans une société marquée par la médicalisation et l'obsession pour la mémoire et la peur de la dépendance. Et donc, tu donnes aussi à voir comment les personnes concernées vivent ce moment de basculement, celle du fait de devenir le patient, comment ça peut réorganiser les rôles familiaux, la perte de certaines capacités que cela entraîne, mais aussi comment ces personnes continuent à exister autrement. On est loin de récits tragiques ou déclinistes. Toi, tu recherches ce qui reste, des formes persistante de subjectivité, d'expression de soi, des relations malgré les pertes. Et donc, je pense que ton ouvrage interroge nos façons de penser, l'identité, la mémoire et le soin et ouvre, des pistes pour reconnaître autrement les personnes concernées par Alzheimer. Donc, on va maintenant présenter ton travail un peu plus précisément afin de bien comprendre le contexte dans lequel tu l'as construit, les questions et les méthodes qui t'ont guidé, la littérature scientifique qui a pu t'accompagner et les conclusions auxquelles tu es arrivé. Je vais te poser quelques questions et j'invite les spectateurs à faire de même s'ils en ont. Donc, dans l'ouvrage, tu reviens longuement sur l'histoire de la maladie d'Alzheimer, de son premier diagnostic, au grand plan développé pour sa prévention et sa médiatisation massive à partir des années 2000. On suit ainsi le récit médical, mais aussi politique du développement de ce qui est devenu un objet important de la société, donc Alzheimer avec un grand A. Qu'est-ce qui a permis, selon toi, qu'Alzheimer gagne autant en attention dans la société? Ok. Merci d'abord pour ce excellent résumé de l'ouvrage. J'aurais pas pu faire mieux. En fait, pour revenir un petit peu au contexte aussi de la recherche, j'étais concernée. J'avais constaté auprès de la société effectivement une inquiétude face à cette maladie et aussi une habitude de se pencher sur la maladie d'Alzheimer d'une manière majeure, même si on la compare à d'autres maladies chroniques qui intéressent le vieillissement. Donc, ça c'est vraiment un questionnement anthropologique qui interroge l'anthropologue qui s'est dit, mais pourquoi? Ben, pourquoi la maladie d'Alzheimer nous concerne autant et pourquoi nous préoccupe autant et pourquoi ce lien que dans l'ouvrage j'ai appelé un lien substantiel entre effectivement la mémoire biographique et la mémoire et l'identité. Qu'est-ce que fait que l'identité est considérée en fait, s'entremêle de manière intime avec nos souvenirs biographiques. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. L'enquête, je l'ai menée, c'est une enquête ethnographique, donc c'est une méthode qualitative. Je me suis appuyée sur des données qualitatives, des entretiens, des observations participantes tout particulièrement, menées en région francilienne. Pourquoi région francilienne? Parce que la France, en général, la France est un territoire particulièrement représentatif de ce que c'est que cette préoccupation sociale vis-à-vis de l'Alzheimer dans la société contemporaine. Donc, c'était vraiment un point de perspective très, très intéressant. Et pourquoi dans la région francilienne, entre Paris et banlieue, surtout le département de la Seine-Saint-Denis, bah parce que l'attention, c'était aussi de À partir d'une vision particulière, d'une méthode particulariste, c'était aussi de voir comment on pouvait comprendre les notions sociales de la maladie dans une société contemporaine qui ressemble beaucoup à la société cosmopolite. Donc, en région francilienne, on avait la possibilité de constituer un terrain multisitué dans plusieurs cliniques, cinq exactement, plusieurs dans différents quartiers qui ont été choisis en fonction de leur profil sociologique et démographique. Donc, on avait des patients de plusieurs classes, hommes et femmes, et aussi des personnes issues de la migration. On a fait aussi la comparaison sur cette différente appartenance, comme tu l'as aussi bien remarqué. Pourquoi j'ai tracé aussi l'histoire du diagnostic? L'un des questionnements les plus importants, les objectifs de la recherche, c'était de retrouver les assises symboliques, les fondements de cette vision de la maladie très dramatique qui voit la maladie d'Alzheimer en termes de perte d'identité, des mémoires et donc d'identité. Et du coup, j'ai voulu, avec cette référence classique que les anthropologues font souvent, avec cette référence foucaultienne, j'ai tracé la généalogie du diagnostic pour voir comment l'épistème Alzheimer, notre vision épistémologique de la maladie, fonde sur une construction historique du diagnostic. À partir de quand, déjà, d'abord? On va situer le début du diagnostic au début du XXe siècle, donc c'est 1900, 1901 exactement. À partir de ce moment, le médecin Alzheimer observe chez une patiente qui s'appelle Auguste Dauter et qui est passée à l'histoire par l'appellatif de Auguste D. Il observe des symptômes très particuliers qui, normalement, étaient des symptômes de démence sénile, des symptômes comportementaux qui définissaient la démence sénile, c'est-à-dire quelque chose qu'on observait plus souvent chez des patients plus âgés qu'elle. Elle avait 50 ans, plus ou moins 50 ans. Et donc, au début, cette définition du diagnostic est très attachée à l'âge. Donc, c'est quelque chose en lien avec l'âge. Si des symptômes de démence sont observables avant un âge avancé, alors là, ça veut dire qu'on peut poser le diagnostic. Et comment il a fait à retrouver, à pouvoir, comment dire, situer ce dysfonctionnement dans un cadre clinique et diagnostique. Il a observé le cerveau d'Auguste Dauter et d'autres patients après la mort. Donc, après la mort, il a fait des autopsies et sur ces examens, il a observé ce qu'aujourd'hui encore on appelle l'accumulation d'amyloïdes, des protéines amyloïdes, qui est considérée même aujourd'hui l'une des causes les plus importantes et les plus validées du diagnostic. Et donc là, on voit comment effectivement déjà à partir de la définition de diagnostic, il y a un problème parce que la constatation de cette atrophie cérébrale, on peut la faire après la mort, post-mortem. Rouge de l'ouvrage, c'est l'analyse de la manière dont Alzheimer sert de ligne de partage entre un vieillissement qu'on qualifierait de normal et un vieillissement pathologique. Et donc cette frontière, elle est construite médicalement sur la base du diagnostic complexe que tu viens de décrire. Et moi, j'ai appris à cette occasion souvent qu'il fallait attendre l'autopsie, comme tu l'as dit, pour confirmer en fait la présence de lésions cérébrales. Je ne connais pas les termes techniques pour toi, mais de lésions cérébrales caractéristiques de la maladie. et donc qui permettrait de distinguer d'un côté des personnes pouvant connaître un vieillissement autonome et de l'autre des personnes qui doivent être aidées durant cette période de la vie. Et donc ce besoin en aide se traduit par un accès à différents droits. Donc pourquoi selon toi cette construction sociale dichotomique entre vieillissement pathologique et vieillissement normal? Et est-ce qu'on n'assiste pas dans une certaine dimension à une sorte d'Alzheimerisation du vieillissement qui permettrait de classer d'un côté des personnes âgées qui vieillissent bien entre guillemets et des personnes âgées qui vieillissent mal et qui perdent en dépendance? Oui, exactement. Là, on est vraiment au cœur de, non, ne pas seulement de mon ouvrage, mais de tout ouvrage anthropologique et de l'anthropologie médicale tout particulièrement, c'est-à-dire le fait qu'on a l'habitude à considérer les maladies, ne pas seulement comme des faits biologiques, mais aussi comme le résultat d'une définition culturelle qui part d'une préoccupation sociale particulière. Comme je le disais, la maladie d'Alzheimer est considérée une maladie qui préoccupe énormément, mais cela n'est pas évident, c'est pas quelque chose qui est en décalage avec l'époque historique ou dans laquelle nous vivons. C'est en lien avec le vieillissement démographique. Avec le vieillissement démographique, on a eu l'exigence de distinguer justement le vieillissement normal et le vieillissement pathologique. Et il y a une demande sociale de médicalisation et de définition qui a interrogé tout particulièrement les gériatres. Donc, c'est les gériatres qui ont assumé le rôle de distinguer entre... On est plus ou moins dans les années 90, qui ont distingué le vieillissement, qu'ils appellent le vieillissement normal, pathologique, mais aussi de l'autre côté, de tout autre niveau, c'est le vieillissement réussi. C'est ce que les Américains appellent le successful aging, ou en Europe, on a plus l'habitude d'appeler active aging. Vieillissement actif, justement. Donc, le fait de prévenir le plus possible le pire, c'est comme ça que s'exprimaient aussi les médecins, de prévenir les symptômes les plus difficiles à gérer à travers la pratique de la prévention et donc le fait de se préparer au vieillissement. Mais à la base de cette distinction entre vieillissement normal et pathologique, il y a certainement une préoccupation statistique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le vieillissement démographique. C'est aussi le fait que la maladie d'Alzheimer parmi les troubles neurodégénératifs est la plus représentée, effectivement, statistiquement. Mais il y a aussi un côté culturel. Comme je le disais tout à l'heure, les anthropologues ont l'habitude à voir le continuum entre normal et pathologique parce qu'ils ont recueilli la leçon de Canguilhem et à travers Canguilhem aussi de Foucault. Selon Canguilhem, la notion de normal, la notion statistique de normal, s'est traduite dans une notion sociopolitique des normes. Donc, ce qui est normal, c'est aussi la norme, ça doit être comme ça. Donc la santé, c'est aussi défini comme ça. Et aujourd'hui, on voit, je l'ai dit aussi quand j'ai présenté le début du diagnostic, à cette époque-là, c'était normal, statistiquement normal, que une personne à 50 ans n'ait pas le symptôme observé chez Auguste Deter. Mais c'était normal chez une personne plus âgée. Aujourd'hui, une personne de 60 ans, de 65 ans, qui a des troubles majeurs comme, qui rentrent dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, ne peuvent pas, ne sont pas considérées comme des personnes normales. Ne peuvent pas, parce qu'ils ont besoin d'être pris en charge. Donc, il y a une demande de médicalisation. Et c'est à cette demande-là que la distinction entre vieillissement d'abord et vieillissement cognitif, normal et pathologique, prend sens dans notre société. C'est une réponse sociale, voilà, un besoin. Je te remercie pour cette réponse très complète. Très, très complète. Dans ton ouvrage, le moment du diagnostic est analysé comme une rupture assez forte dans la vie des individus parce que il vient transformer le patient en malade, donc celui qui a besoin d'aide au quotidien pour accomplir différentes tâches, se déplacer, se sustenter, s'occuper de son hygiène personnelle. Et donc ça vient aussi annoncer un changement de rythme de vie et de rapports familiaux. Et ce diagnostic agit comme une sentence symbolique. C'est une sorte de mort sociale de la personne. Et donc ce moment clé, il est décrit aussi à travers le regard des cliniciens. Et ton ouvrage met en lumière des tensions autour de la définition de ce diagnostic, qui est une discussion médicale, mais aussi éthique. Comment on fait pour annoncer une maladie incurable à une personne dont les capacités cognitives sont altérées, donc à une personne qui potentiellement ne le comprendra pas ou peut également l'oublier sans pour autant l'exclure de son statut de sujet, d'individu autonome. Il y a le droit à l'information qui entre ici en tension avec la capacité à l'entendre. Donc, comment est pensé et gérer ce moment, toi qui as conduit des observations, tu le disais un peu plus tôt, vraiment au plus près du personnel soignant et médical également. D'accord. Alors, je voulais partir pour répondre à cette question. Je voulais partir d'une donnée statistique. Seulement le 500% des malades sont informés en même temps que la famille. Donc, ça, je crois que c'est vraiment ça fait rentrer dans la question que tu me poses. Pourquoi? Parce que l'annonce du diagnostic, ça dépend. Alors, tout d'abord, du côté de la famille, ce qui pas c'est que la famille commence à faire ce qu'on appelle en psychologie le deuil blanc, c'est-à-dire qu'on va voir la personne qui commence à disparaître, même en préconisant la mort qui ne s'avère pas. La personne est toujours là, le cher malade est toujours là, mais on commence après le diagnostic tout de suite à se préparer à la mort, à la disparition, mais pas à la mort du corps, vraiment à la mort de l'esprit. Pour revenir aussi à la définition, à l'étymologie de démence, démence, être dépourvu d'esprit. Du côté des professionnels, cette statistique est remarquable parce que là, on voit comment ils ont du mal. Les professionnels ont du mal à. D'abord, c'est très compliqué de construire le diagnostic d'un niveau, d'un point de vue logique et d'un point de vue éthique, c'est très difficile de se confronter à l'annonce. Tout dépend de la notion du professionnel lui-même. S'il partage une vision dramatique de la maladie, il aura plus de mal à annoncer le diagnostic. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que les professionnels ont l'habitude et sont plus à l'aise à annoncer le diagnostic à la famille, même si cela ne rentre pas tout à fait dans le cadre éthique et déontologique du travail professionnel. La famille devient un intermédiaire. J'aimerais faire un petit pas d'avancement après cette étude parce qu'il y a une étude intéressante d'une philosophe qui s'appelle Fricker. Elle parle de epistemic injustice, injustice épistémique justement, c'est-à-dire le fait de considérer a priori l'autre incapable de comprendre et donc ne pas être à l'aise à annoncer quelque chose. Et dans ce cas-là, annoncer le diagnostic. Donc, on a là vraiment quelque chose de très, très important à questionner. Et en plus, si je peux, j'aimerais bien lire un extrait d'un entretien, parce que ça rend bien l'idée que les questionnements éthiques du professionnel vont s'impacter aussi sur sa façon d'annoncer le diagnostic, sur la façon de vivre ce moment très délicat. J'avais rencontré un gériatre parmi les plusieurs que j'ai rencontrés, qui me disait, j'avais extrêmement du mal à dire les choses parce qu'on est en relation avec l'humain, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a un tas de conflits, parce que mentir devient indéfendable. Donc, ils sont conscients, les professionnels sont conscients de leur démarche idéale qu'ils devraient faire, mais ont du mal à se conformer à cette démarche. Comme tout le monde, même quand tu es malade, on doit pouvoir déterminer ce qu'il y a à faire. Et puis, il y a le médecin qui n'a jamais été formé à cela, qui se retrouve du jour au lendemain annoncé une maladie qui est chronique, évolutive et incurable. Ce même gériatre, un jour, me dit que pour lui, la maladie d'Alzheimer est une l'annonce diagnostique est une catastrophe. Parce que quand on perd la mémoire, on perd tout ce qu'on a bâti, on perd toutes les relations ou la mémoire des relations qu'on a pu avoir. C'est la perte de soi-même, de ses croyances, de tout ce qu'on a fait à partir de son éducation, de sa philosophie, de sa religion, de l'être intime qu'on a été, des relations qu'on a eues avec l'entourage. Donc, après tout ça, vraiment, ça déclenche vraiment la vision la plus dramatique que j'ai rencontrée, parce que j'ai recueillie, parce que c'était un gériatre qui pensait vraiment ce lien entre mémoire, biographique, identité, le voyait de manière extrêmement effrayante. Oui, ça, voilà, l'annonce diagnostique pour vraiment. C'est déjà un vrai sujet. Non, mais je te remercie d'avoir lu cet extrait qui, je pense, illustre, enfin, bien illustrer également tes propos. On a parlé des cliniciens et tu l'as évoqué, il y a d'autres personnes qui sont présentes dans cette histoire de la maladie d'Alzheimer. C'est les aidants, entendu au sens large. Et tu as évoqué le concept de deuil blanc, qui je trouve est un concept, pardon, très important de ton ouvrage, parce qu'on devient aidant d'une personne qui ne nous reconnaît plus, voire qui peut nous rejeter, et ça engendre de la frustration, de la tristesse. Et toi, tu développes une lecture très forte de ces relations. Et donc, on peut caricaturer ça avec, d'un côté, une personne malade qui est devenue une victime innocente, qui a perdu son identité, sa personnalité, comme le disait le gériatre que tu viens de citer, et qui peut rien y faire. Et de l'autre, l'aidant, qui incarnerait la victime sacrificielle, celle qui est obligée de changer son rythme de vie au nom d'une forme de dette morale envers son proche. Donc, est-ce que tu peux aussi revenir plus en détail sur cette nouvelle configuration des rapports entre les individus suite à ce diagnostic? Et tu t'intéresses, tu l'as dit aussi en introduction quand tu as présenté ton terrain, à des croisements avec des dimensions sociales diverses comme le genre, la race ou l'expérience migratoire. Est-ce que tu pourrais revenir aussi sur la façon dont ces caractéristiques viennent influencer ces changements de rapports? Oui, merci beaucoup pour cette importante question encore une fois. On est cette dynamique entre victime innocente et victime sacrificielle. On va rentrer vraiment dans le cœur de la vision dramatique et comment la vision dramatique de cette maladie a un impact sur le quotidien de tout le monde, en fait, des familles, des malades, des aidants. La vision dramatique de la maladie menace ne pas seulement la subjectivité du patient qui perd la mémoire de soi, comme l'a dit tout à l'heure le gériatre, mais aussi menace la subjectivité du proche même. Parce que, avec la perte de souvenirs biographiques du malade, le proche craint de se retrouver complètement mort aux yeux de l'autre, de disparaître aux yeux de l'autre. Donc, il y a vraiment une impression de disparition mise au miroir entre les deux parties. La perte de mémoire biographique n'est pas cohérente avec la personne humaine telle qu'elle est définie en Occident. Et cela regarde les deux côtés, les deux rôles. Pour être accepté, cette disparition ou cette impression de disparition, la personne malade doit être déresponsabilisée de sa perte de mémoire. Surtout quand on parle de relations intimes, on fait le lien entre le souvenir de l'autre et l'amour envers l'autre. Donc, le fait de se ne souvenir pas, par exemple, il y avait une femme qui disait, ma mère, avec la maladie d'Alzheimer, elle se rappelle jamais de mon enfance, de l'enfance de mon frère, mais seulement de son enfance. Et ça, c'était quelque chose qui l'a culpabilisée, qui était frustrant pour cette dame-là, cette fille. On a l'habitude à considérer le souvenir comme un indice d'amour envers l'autre. Et donc, c'est l'autre, les dents familiales, c'est son disparaître justement aux yeux de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait du coup? S'il y a quelque chose que j'ai appris par cette enquête, c'est que la désobjectivation n'existe pas, que ce n'est pas possible de se désobjectiver alors que on reste toujours en vie. Donc, autant les dents. Aussi bien les dents que la personne malade résiste à cette impression de désobjectivation en assumant deux rôles différents qui sont la victime innocente pour le patient, la victime sacrificielle pour les dents. Le malade qui perd la mémoire est déresponsabilisé à partir du diagnostic, donc il y a aussi une fonction positive du diagnostic. Parce qu'on dit ce n'est pas de sa faute, c'est que il a des troubles et à cause de ces troubles, il oublie. De l'autre côté, la personne, l'aidant familial doit se consacrer complètement aux soins de l'autre. Mais ça, c'est un basculement très ambigu entre un devoir social, la responsabilité du soin, et de l'autre côté, le fait que cette responsabilité doit être gratuite. Donc, ce soin doit être gratuit alors que c'est une demande sociale. Alors, c'est très ambigu à vivre. Il y a des psychologues qui maintenant ont commencé à parler aussi, à mesurer ce concept psychologique qui est le caregiving burden, le fardeau du soin porté par les dents. Il y a aussi d'autres auteurs qui ont parlé de la maladie de deuxième degré, la maladie vécue par la famille, comme une sorte de contagion. Donc, tout cela menace la qualité de vie de tout le monde au détriment de la relation au quotidien. La relation peut se dégrader et on peut constater en permanence cette réciproque disparition. Enfin, ce n'est jamais reconnu socialement le rôle de l'aidant. Le rôle de l'aidant est complètement gratuit et cette gratuité est au cœur de la question morale de l'économie morale familiale et qui impacte aussi et qui engendre aussi des inégalités sociales. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est vrai que j'ai beaucoup d'attention, j'ai beaucoup attentionné et je me suis focalisée aussi sur une analyse intersectionnelle qui considère l'appartenance de genre, l'appartenance de race, on va dire, le fait d'être issu de la migration. Aussi l'âge, le fait d'être descendant ou ascendant. Ce n'est pas la même chose d'assister un parent ou d'assister une mère ou un père ou d'assister en tant que mari ou femme le conjoint. Ce n'est pas la même chose parce qu'il y a la possibilité dans cette dynamique de rôle, de changement de rôle, il y a la possibilité de renverser ou de confirmer les stéréotypes rattachés à ce rôle-là. J'ai observé par exemple des femmes qui étaient des aidantes familiales et qui aidaient les conjoints au quotidien. Dans cette aide au quotidien, elles retrouvaient un peu de leur autonomie. De l'autre côté, il y a aussi des femmes ou des hommes qui ont complètement perdu, se sont complètement estompés derrière le soin de l'autre et ont complètement perdu le cadre d'intérêt de leur vie. Alors que, par exemple, chez les enfants, il y a souvent cette impression de renversement de l'ordre naturel de soin, du caregiving, le fait que c'est l'ascendant que normalement prend soin de ses enfants, et là, il faut renverser la direction de ce soin. En ce qui concerne la migration, en ce qui concerne l'appartenance ethnique, ce que j'ai pu remarquer dans cette étude et aussi dans d'autres études que j'ai conduites ensuite, surtout en Seine-Saint-Denis, surtout au niveau de la communauté maghrébine et de l'Afrique subsaharienne en Seine-Saint-Denis, ce qui concerne plus de manière plus contraignante ces personnes, ce qui les préoccupe de manière majeure, c'est le fait de perdre le rôle de dépositaire de la mémoire migratoire, de ne plus pouvoir véhiculer cette mémoire migratoire qui tient le lien familial, le lien au pays d'origine. Donc oui, vraiment, quand j'ai parlé d'altération sociale, quand j'ai traduit le concept de sickness, c'est-à-dire la maladie du point de vue de la société, et je l'ai traduit en français avec cette formule d'altération sociale, je voulais dire exactement que à un certain moment, la personne doit changer le rôle dans la société et prendre du recul sur son changement identitaire. Mais cela concerne les deux. Je te remercie pour cette réponse très très très complète et ça fera écho à notre émission du mois prochain qui porte sur les questions du Caire notamment. Je vais te poser une dernière question parce que le temps file rapidement autour d'une autre proposition théorique assez importante de ton ouvrage qui réside dans la notion de mnémopouvoir. Donc c'est l'idée que, et tu pourras me corriger hein, dans ta réponse, que dans nos sociétés occidentales, qui sont marquées par des traumatismes collectifs et des politiques de mémoire qui viennent y répondre, l'oubli est devenu une sorte de tabou. Il faut se souvenir, il faut témoigner, il faut commémorer à l'échelle individuelle, que ce soit dans les étapes importantes de la vie comme les naissances, mais également collective. Et toi, tu donnes l'exemple de la Shoah. Donc, dans ce cadre, Alzheimer constitue une perte de statut de sujet politique et moral, et ça encourage à poser la question suivante. Est-ce que dans nos sociétés actuelles, la maladie d'Alzheimer peut aider à penser une subjectivité sans mémoire autobiographique? Merci beaucoup, c'est des questionnements qui m'ont pris beaucoup de d'énergie aussi pour y répondre. D'abord, oui, la source d'inspiration qui a donné lieu à cette recherche, c'était un ouvrage de mon directeur de thèse, que mon directeur de thèse a écrit avec Didier Fassin, L'Empire du traumatisme. En fait, cet exemple de la Shoah, je suis débitrice hein, cette étude, parce que c'est à partir de cette étude que j'ai commencé à concevoir, là aussi, c'est aussi pour ça que j'ai utilisé la métaphore de victime innocente et sacrificielle, parce que la victimation, c'est une manière dans notre société contemporaine, que j'ai appelée société de la commémoration, justement, c'est une manière de confirmer notre statut subjectif. Pourquoi? Parce que si il est important de s'oublier de se souvenir de quelque chose, ce quelque chose-là n'est pas anodin. De quoi il faut se souvenir? Il faut se souvenir d'événements qui sont marquants Et ils sont marquants parce qu'ils ont touché à l'intimité de l'identité. Ils sont normalement des événements tragiques de notre histoire. C'est exactement comment ça se passe dans les rituels commémoratifs. Quand on fait la commémoration, on a cette tendance à se mettre du côté des victimes et se partager de la condition des victimes. Ça, c'était le sous-titre de l'ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure. Ce partage est une manière de se subjectiver soi-même aussi. Et donc, à partir de ces réflexions, j'ai voulu observer comment ça pouvait impacter sur la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire sur une maladie qui touche ou qui donne l'impression de toucher tout particulièrement sur la mémoire biographique et du coup aussi la mémoire des faits tragiques. Le mnémopouvoir, c'est exactement ça. Le fait que ça ne suffit pas pour construire notre identité de se souvenir du passé, mais il faut se souvenir d'un passé particulier, pardon. Il y a deux côtés de ce mnémopouvoir. Le côté normatif, dans la norme des mémoires, il faut se souvenir de quoi? Il faut se souvenir des événements historiques, tragiques mais historiques, qui ont marqué l'identité de la personne. Il y a aussi un biais générationnel, on peut dire, parce que j'ai interviewé des gens qui ont fait la guerre. Et donc, sur cet événement tragique-là, ils disaient, il faut pas oublier parce qu'il faut conserver cette mémoire, il faut la transmettre. C'est un peu comme je disais chez les migrants, il faut transmettre la mémoire de la migration. C'est une mémoire qu'il faut transmettre. Mais de l'autre côté, ça c'est l'autre côté de voir, il y a un côté tabou. L'autre côté tabou, c'est le tabou de perdre la mémoire des souvenirs traumatiques, voilà, des traumatismes de sa propre vie. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut envisager. On l'envisage pas. Si ça s'avère, c'est impossible à penser. Et ça pose vraiment une véritable crise d'identité. En ce moment, la personne cherche vraiment à résister à la disparition de soi. Et là, on voit comment, je le disais tout à l'heure, ça n'existe pas la désobjectivation. Quand ça arrive, quand une personne perd la mémoire des souvenirs tragiques, et quand je parle de souvenirs tragiques, traumatiques, par exemple la perte d'un enfant, quand cela se passe, il y a des stratégies dans la narration pour basculer sur d'autres souvenirs au même tragique, au même niveau. Au même niveau. Si j'ai juste une minute pour faire comprendre bien ce passage, il y a toujours un extrait d'une patiente. C'est vrai que j'ai vécu aussi des tragédies. J'ai eu un fils qui s'est jeté de la fenêtre. Attends, ce n'était pas la fenêtre. C'était pour sa dépression. Elle demande à sa fille. La fille confirme, mais la fille dit, ce n'est pas le pire que tu as vécu, maman, parce que tu as vécu aussi d'autres tragédies. Elle lui rappelle le fait elle a perdu aussi un enfant qui avait 1 an. Au moment où il se souvient de la perte d'un fils, il oublie la perte de l'autre et elle bascule, cette femme, entre un souvenir et l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux souvenirs sont du même niveau de tragédie. Voilà. Elle conserve soi-même à partir d'une stratégie narrative qui se penche sur le tabou de l'oubli. Je te remercie beaucoup, Gloria, pour tes réponses et à nouveau pour cette lecture. Moi, je me souvenais de ce témoignage qui est effectivement présent dans ton ouvrage. Je ne peux qu'encourager les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent à aller lire, bah, aller lire l'ouvrage en entier parce que je trouve que ton terrain est extrêmement précieux et intéressant pour mettre en avant tout ce dont tu nous as parlé aujourd'hui. Je vais passer la parole sans attendre à ma collègue Marianne, qui va nous faire une petite recommandation culturelle en lien avec le sujet du jour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, après avoir emprunté 13 livres et 3 DVD à la médiathèque, après avoir envisagé de parler du livre d'Annie Ernaux, Je ne suis pas sortie de ma nuit, ou de présenter le podcast Alzheimer et déficience intellectuelle de la communauté mixte de recherche d'IMA, ou encore d'évoquer le livre jeunesse Les ballons du souvenir de Jessie Oliveros, trois recommandations dont vous pourrez retrouver les références sur la page du PPR Autonomie consacrée à cette émission. J'ai repensé à un film documentaire que je voulais voir depuis longtemps, Une jeune fille de 90 ans de Valeria Bruni Tedeschi. Réalisé en 2016, c'est un documentaire qui nous entraîne dans un service de gériatrie à l'hôpital Charlefoix. Le danseur et chorégraphe Thierry Tuenyang y est accueilli en résidence. Cela veut dire qu'il y vit pendant quelque temps au rythme du service. Il partage le quotidien des personnes hospitalisées et du personnel. Il y arrive simplement avec ce qu'il est, avec ses bagages artistiques, et entre en relation avec les personnes par le biais de la danse, par le biais de l'imaginaire. Donc il ne s'agit pas de proposer un spectacle ou des cours de danse, mais de laisser plutôt place à ce qui surgit dans la rencontre. Et donc dans les chambres, dans les couloirs ou dans les espaces communs, il invite les personnes qu'il croise à explorer des gestes, à danser et à inventer une autre manière d'être ensemble. Dans ce service où certaines personnes restent de longs mois, voire des années, certains ne parlent pas, d'autres ne bougent presque plus. Et peu à peu, on voit dans le film des corps qui s'éveillent, des regards qui se croisent, des sourires qui apparaissent. La danse ouvre un espace inattendu où les patientes et soignantes, parce que ce sont toutes majoritairement des femmes, expérimentent une autre manière d'être ensemble, de s'exprimer, de se découvrir et de se rencontrer. Le film s'attache plus particulièrement à Blanche, la jeune fille de 90 ans, dont la mémoire s'efface, mais dont le corps se souvient encore des gestes et des élans. En présence du chorégraphe, le regard de Blanche s'illumine. Elle se met en mouvement, elle se met à danser avec lui. Sa vitalité se réveille comme si la danse lui redonnait accès à une part d'elle-même que la maladie semblait avoir recouverte. Et sous les yeux de la caméra, pendant le tournage, Blanche tombe amoureuse de Thierry. Alors qu'elle ne se souvenait même pas de son propre prénom lors de leur première rencontre, elle tisse avec lui une véritable relation et nous assistons à leur conversation profonde, à leur conversation profondément intime et bouleversante qui permettent de découvrir pleinement la personnalité de Blanche. À travers Blanche, mais aussi à travers les autres personnes rencontrées, ce documentaire montre ce que la danse peut ouvrir parce que c'est un langage sensible, mais aussi parce que c'est une pratique qui traverse toutes les générations. La danse ranime des émotions, retisse des liens, permet de retrouver des sensations anciennes ou au contraire d'en découvrir de nouvelles, de s'exprimer et d'exister même lorsqu'on ne se souvient pas. Je crois que ce que le film montre aussi, c'est ce qu'apporte la présence d'une personne qui est entièrement disponible pour la rencontre, qui n'est là que pour ça, écouter, partager un temps qui ne se mesure pas en gestes techniques, qui ne se mesure d'ailleurs pas du tout. C'est une disponibilité que les soignants n'ont souvent pas la possibilité d'offrir. Il y a d'ailleurs un moment dans le film où Thierry et Blanche parlent de ce qui se partage dans le silence et où Thierry demande à Blanche si elle pense qu'il faut du temps pour donner son silence à l'autre. La présence de l'artiste ouvre une brèche dans le quotidien du soin, une parenthèse où d'autres possibles apparaissent. Mais on peut se demander ce qu'il reste après, lorsque l'artiste s'en va, que devient ce qui a été remué, éveillé? Un des moments les plus bouleversants du film est peut-être ainsi celui où Blanche exprime à la fois le bonheur que lui procurent ces moments inattendus dans ce lieu où, dit-elle, elle a de la peine à vivre et son désarroi face à leur caractère éphémère. C'est le rêve de continuer à vivre comme ça. Mais manque de peau, ça ne peut pas être toujours pareil. Je sais très bien qu'après nous, il n'y a plus personne. J'aurai seulement le plaisir de penser à toi sans arrêt. Donc je vous invite donc à découvrir ce film singulier, notamment disponible sur des plateformes de vidéo à la demande. Nous faisons une petite pause de vérification technique afin de pouvoir accueillir tous nos invités et vous pourrez donc retrouver dans quelques minutes Marie Assaf en compagnie donc toujours de Gloria Frison, mais aussi de Denise Lauprêtre et de Aude Béliard. Bonne fin d'émission à toutes et tous. Pour cette seconde partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Denise Lauprêtre et Aude Béliard. Donc, comme vous pouvez le constater, comme j'ai déjà précisé, il s'agit d'un panel qui va nous permettre de creuser certaines thématiques abordées dans l'ouvrage de Gloria, mais également d'apporter un autre regard sur cette question de la maladie, de son diagnostic et de sa prise en charge sur le terrain. Donc, Aude, je me tourne vers toi. Tu es sociologue, tu es maîtresse de conférences à l'Université Paris-Cité. Dans tes recherches, tu t'intéresses au croisement entre la sociologie de la santé mentale et la sociologie de la famille. Et tu as notamment publié en 2019 Des familles bouleversées par la maladie d'Alzheimer, Variations sociales, aux éditions RS. Et dont de nombreux axes font écho à l'ouvrage de Gloria présenté aujourd'hui. Tu prêtes une attention toute particulière aux relations entre appartenance à certaines classes sociales et parcours de diagnostic et de soins des patients. Et tu observes ainsi que les médecins reconnaissent ou pas certains proches comme des aidants légitimes, voilà, en fonction de leur position sociale, donc par exemple leur emploi. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette observation, s'il te plaît? Bonsoir, merci pour la question et pour la présentation. Bon, je vais juste commencer par dire à quel point je suis ravie, hein, de participer à l'échange ce soir. J'étais vraiment très intéressée par la lecture du livre de Gloria et je suis vraiment contente de pouvoir échanger avec Denise, avec Gloria ce soir. Alors pour répondre du coup à la question que tu viens de poser, alors peut-être juste rappeler, moi c'était dans le cadre d'un travail aussi de thèse en sociologie. Donc un peu plus ancien que celui de Gloria, plutôt dans la deuxième moitié des années 2000. Et il y avait aussi un travail de terrain. Bah, du coup, ça va être intéressant pour l'échange parce que il y avait aussi une démarche un peu similaire d'aller observer, faire des entretiens auprès d'équipes médicales, de personnes suivies, de leur entourage, des familles. Moi aussi, j'avais été voir auprès d'une consultation mémoire hospitalière de diagnostic et de suivi, et aussi d'une unité de gériatrie aiguë. Et alors, un des points de départ, une des choses qui m'intéressait, c'était comment la maladie, elle bouleverse ou pas la famille. Est-ce qu'elle reconfigure les relations et aussi la place qui est donnée à la personne malade au sein de ces configurations familiales. Alors, du coup, je rebondis sur la question. Les enjeux de classe sociale. La question de la légitimité qui peut être accordée aux professionnels, aux médecins, aux proches, de manière différenciée selon leur diplôme, leur métier, leurs appartenances sociales. En fait, ces questions de classe, elles sont présentes tout au long du suivi, hein. Dans mon travail, j'avais pu aussi faire ressortir des inégalités dans l'accès au diagnostic. Après, dans les consultations de suivi, un peu plus sur la question que tu pointes, bon, de manière générale, c'est pas une spécificité pour les suivis autour de la maladie d'Alzheimer. C'est ce que font ressortir les personnes qui sont enquêtées sur divers sujets, hein, de santé ou de suivi pour des maladies chroniques. C'est souvent plus facile de discuter avec les médecins quand on a une position sociale privilégiée. On partage des références, des codes de langage qui sont plus proches du milieu médical. Donc, les personnes qui sont dans ces situations privilégiées, elles disent plus souvent aux chercheurs je comprends ce que me dit le médecin, j'arrive à me faire comprendre de lui, j'ose plus poser des questions, etc. Ce que j'ajouterais à la lumière bah, des rencontres que j'ai pu faire lors de cette enquête de terrain, c'est pas seulement de la part des médecins une reconnaissance de la légitimité de certains, c'est aussi des choses qui se jouent dans les familles. Des places différenciées que prennent les uns et les autres. C'est aussi qui est présent, qui s'en occupe, qui parmi les proches va accompagner aux recherches médicales. On peut souvent observer, on peut vivre quand on est confronté à ces situations dans les familles, ben, des répartitions des tâches, des attributions, des spécialisations. J'avais lu au début de ma thèse, c'était un travail que j'avais trouvé très intéressant, un texte d'un anthropologue qui s'appelle Benoît Trépied. Son texte s'appelle Rupture sociale et aide familiale, et il reconstitue toute l'histoire d'une famille où donc c'est une femme qui est suivie pour une maladie d'Alzheimer et son mari, c'est lui qui s'en occupe au quotidien, qui est présent, qui gère le quotidien, les aides à domicile. Et en revanche, c'est leur fille qui habite pas tout près, qui gère les relations avec les médecins. Donc il reconstitue pourquoi elle, qu'est-ce qui comment ça peut s'expliquer et qu'est-ce que ça crée dans les relations dans la famille. Pourquoi elle? Parce qu'elle est plus à l'aise avec ça, parce qu'elle a commencé à le faire et qu'elle a pris un peu les choses en main. Il reconstitue que c'est une fille qui a une trajectoire sociale ascendante par rapport à ses parents et qu'elle a une position, on pourrait dire, sociale dominante par rapport à eux. Elle prend la main par rapport à ses parents, par rapport à son frère aussi. Elle a des médecins dans ses relations, donc il reconstitue toute une étude de cas. Qui montre que ben en fait les rapports sociaux de classe et de genre d'ailleurs ils sont présents dans la société dans son ensemble mais ils structurent aussi les relations qu'on vit dans la famille, dans les entourages familiaux. Donc ça c'était quelque chose d'important. Après ce que j'ai pu voir en rencontrant nombre de familles et de proches c'est pas qu'une question de classe sociale. Donc il y a des questions de genre qui sont très importantes. On connaît bien la spécialisation. Enfin, ça commence à être connu. Ça fait longtemps que c'est le cas et c'est mieux connu maintenant. La spécialisation des femmes dans le travail de soins, dans l'aide quotidienne. Donc le cas fréquent de fratrie où la fille est présente pour l'aide quotidienne et les fils vont plutôt s'occuper des démarches, des consultations médicales, des papiers, etc. On observe aussi des spécialités liées au métier, donc être dans un métier de soins ou un métier médical. L'exemple de la petite fille qui est médecin et à qui du coup on va confier dans la famille de s'occuper de ces aspects-là. Donc des proches qui ont et à qui les autres reconnaissent une forme d'expertise. Et voilà, pour pas répondre trop longuement, juste une chose pour revenir sur la question des aidants légitimes. Du point de vue des médecins. Alors, pour avoir échangé avec des médecins, des professionnels de différents services et observé leur travail, ils saisissent assez souvent, rapidement, assez bien les configurations familiales des personnes qui viennent les voir, même si, du fait des contraintes de leur travail, ils ont souvent besoin d'identifier un interlocuteur. Un référent, quelqu'un qui va répondre pour la famille, un contact, et parfois ça peut amener à simplifier les choses. Donc simplifier avec le risque peut-être de réduire la famille et tout un groupe à un dit aidant principal ou un référent. En même temps, il semble que ces effets de réduction, c'est aussi quand on n'a pas le temps et dans des suivis courts et dans des situations d'urgence, alors que quand il y a plus de temps, dans des suivis plus longs, dans des consultations régulières, ce que j'ai pu observer, c'est des appréhensions aussi assez larges et assez fines des situations familiales par les médecins et notamment une attention à des sources de légitimité différentes. Pour simplifier, je pourrais revenir là-dessus. De la part des équipes médicales, il y a deux grandes sources de légitimité qui peuvent être attribuées aux proches. La légitimité de celui qui est présent au quotidien, de qui sait ce qui se passe, qui peut dire ce qui se passe au domicile, qui est présent pour organiser les aides, qui est identifié comme, donc selon un terme que emploient certains médecins, un aidant fiable. Voilà, qui va pouvoir témoigner et répondre de ce qui se passe. Et l'autre type de légitimité qui engage d'autres choses, hein, c'est la légitimité pour participer aux décisions. Donc faire partie des proches apparentés dont on considère qu'ils font partie d'un cercle de décisions légitimes s'il y avait besoin. Donc les conjoints, les enfants, les petits-enfants. Et il me semble que si on commence à réfléchir là-dessus, comme ça, avec des sources de légitimité, ça complexifie un petit peu aussi le tableau en disant, c'est pas forcément les mêmes personnes qui portent ces différents types de légitimité, comme le cas de l'ami qui est présente au quotidien, mais qui est pas considérée comme faisant partie de la famille et où on va avoir plusieurs référents, en fait, dans certains cas, des situations plus complexes, plusieurs référents des équipes médicales, etc. Je te remercie pour cette réponse qui vient mettre aussi en lumière l'univers complexe de l'aidance et de l'aidance dans le cas de la maladie d'Alzheimer que vous avez toutes pu pu observer, tu l'as dit, il y a des rapports de domination qui sont présents au sein des familles, et tu l'as très bien détaillé. Il y a des enjeux de classe sociale, de genre qui sont en jeu, qui créent des effets de proximité, même si ce n'est pas les seuls facteurs, parce que là, par exemple, tu as parlé de l'aidant, un aidant légitime qui est celui qui vit au quotidien, et qui n'est pas forcément le plus diplômé, mais qui est celui qui est là. Mais est-ce que selon toi, la maladie d'Alzheimer peut agir comme un révélateur ou un amplificateur de dissension et de rapport de pouvoir? Et là, tu viens de parler de la question de l'ami qui n'est pas identifié forcément comme le membre de la famille, comme le conjoint ou l'enfant ou le petit-enfant. Et donc là, j'ai envie de penser que ces dissensions, elles peuvent prendre encore d'autres dimensions dès qu'on sort aussi du cercle familial. Donc la question, c'était de savoir à quel point la maladie, elle vient parfois renforcer des dissensions, ou est-ce qu'elle va révéler des choses qui existent avant, ou est-ce qu'elle va Voilà. amplifier? En fait, c'est Ou souvent la question des... qu'on se pose Oui. quand on vit ces situations, et on a envie de répondre que c'est un peu les deux, forcément, que la maladie, tout ce qui se joue autour, c'est l'entourage qui se mobilise, les rôles que prennent les uns et les autres pour être présents. Les relations avec les médecins, entre autres, puisqu'on en parlait, tout ce qui se passe en fait autour de qui est provoqué par la maladie, ça vient, c'est sûr, d'une part, révéler les places de chacun, donc parfois amplifier des rapports asymétriques dans des fratries, des rapports de domination, ou bien des conflits sous-jacents ou des conflits potentiels. Parfois aussi, c'est une épreuve qui vient consolider des répartitions des rôles. Donc, on a parlé comme ça de répartition des rôles dans des fratries, par exemple, entre aide quotidienne et décision. Mais je pense qu'au-delà de la question du diplôme ou de la classe sociale, c'est aussi toute l'histoire familiale et les trajectoires de vie de chacun, qui sont des trajectoires sociales, mais aussi familiales, résidentielles, conjugales. C'est toutes ces histoires de vie qui jouent dans ces processus et qui peuvent être remaniées aussi par ces processus. Donc, par exemple, une situation où c'est le fils qui habite le plus près de chez ses parents qui va être impliqué un petit peu tout de suite et puis le plus impliqué finalement de fil en aiguille quand ils ont besoin de présence et d'accompagnement. Mais en fait aussi, c'est rarement un hasard que c'est lui qui soit resté le plus proche géographiquement de ses parents. Donc, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça engage? Ou une situation où parmi les filles, l'une des filles a un métier prenant et trois enfants, et c'est sa sœur qui connaît une période de chômage au moment où leur mère tombe malade, qui va se mobiliser pour être présente auprès des parents. Là encore, on peut raisonner à plusieurs niveaux. C'est des questions de disponibilité plus ou moins grandes à un moment donné, mais c'est aussi des positions différentes, sociales différentes, qui s'expriment à ce moment-là. Donc ça, c'est important, c'est très important à avoir en tête. Après, il y a aussi des choses qui bougent, des évolutions, des surprises, des déménagements, des changements de vie, des choix d'arrêter une activité professionnelle pour assurer le rôle d'aidant. Il y a des situations où les rapports sont un peu reconfigurés, il y a des redistributions des rôles. Quand le conjoint qui est aidant, par exemple, et qui se met à assurer des tâches quotidiennes dans la maison, le ménage, la cuisine, qu'il n'avait jamais fait auparavant, ou presque ou pas beaucoup, ou beaucoup moins que sa conjointe, et qu'est-ce que ça crée et comment il s'en débrouille. Il y a un chercheur qui s'appelle Mathieu Noir qui a soutenu sa thèse l'année dernière, qui a travaillé sur l'expérience des aidants. Et qui analyse ce type de situation. Et il montre que l'expérience d'être aidant, et puis de manière plus large, la maladie d'un proche, ça peut être un moment de socialisation à des rôles nouveaux. Donc son travail est vraiment intéressant pour ça. Je te remercie. Oui, c'est intéressant cette dimension aussi de création de nouveaux rôles sociaux. Une dernière question pour toi, Aude. Selon toi, et puisque ton travail mêle dimension sociale, familiale et inégalitaire, Quelles peuvent être les implications possibles pour la recherche? Là, je te parle en tant que maîtresse de conférence. Ou les... J'ai pu trouver dans dans cette enquête, c'est toujours important de bien connaître les situations particulières et de voir les variations, la diversité des cas de figure. C'est-à-dire, c'est ce qui va nous préserver d'avoir des approches trop normatives et de considérer qu'il y a une bonne manière d'aider ou une bonne manière de vivre sa maladie. Alors qu'il y a de multiples bonnes manières de se positionner comme aidant, de traverser cette épreuve, et des familles aussi qui ont des formes et des configurations et des fonctionnements qui sont différents. Voilà, peut-être on pourra revenir dans la discussion à trois sur ces enjeux-là. Oui, effectivement, effectivement. Merci Aude d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Je me tourne désormais vers Denise. Bonsoir Bonsoir et Denise. merci pour votre accueil. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Donc, bah, Denise, vous êtes ingénieure de formation, mais on ne vous reçoit pas pour ça aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on vous reçoit en tant que présidente de France Alzheimer 93. Vous êtes bénévole depuis 17 ans, c'est ça, je ne me trompe pas. Oui. Donc, avant d'aborder la question de la maladie, moi, j'aimerais qu'on revienne, si ça ne vous dérange pas, hein, sur Bien sûr. l'origine de votre engagement. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous y a conduit? Et puis, dans un second temps, l'objectif et la place de l'association, justement, dans l'accompagnement des personnes concernées et le rôle spécifique que vous jouez bah, auprès des individus et des familles, qui est un axe évoqué à la fois par Gloria et Aude. Alors, en ce qui me concerne, moi, la maladie, je la connais depuis 1990, puisqu'elle avait touché la mère de mon mari, mais comme c'était le plus jeune de la fratrie, que j'étais plus jeune que lui, moi j'étais très jeune. Donc j'ai pas tout compris, mais j'ai vu comment ça faisait vraiment bouleverser la vie de la famille. Puis malheureusement, après, moi, c'était ma maman et mon mari, mais lui, il a eu une forme qui a été beaucoup plus qui était un peu plus animé, mais qui n'a pas duré longtemps, puisque c'était une forme vasculaire et qu'il est décédé très vite. Mon engagement, il est venu du fait que j'ai observé ce que je vivais au quotidien. J'ai perdu mon travail, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Et je me suis dit, mais comment font les autres? Parce que franchement, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit, qui avait un bagage, qui a une formation très élevée dans la solidarité, puisque mon papa, c'était le président du Secours populaire, donc j'étais élevée dans tout ça, et je me disais, mais comment font les gens, quoi? C'était vraiment ça. Donc j'ai rencontré la présidente du 93, qui était Catherine Olivet, qui a porté très loin l'éthique, et là, je me suis dit, mais je la rejoins, quoi. Il faut qu'on aide les gens au quotidien à comprendre ce qui se passe, parce que c'est incompréhensible. Donc c'est venu vraiment de ce constat du côté incompréhensible. Et depuis 17 ans, bah, je constate que c'est toujours incompréhensible pour les familles et que c'est ça qu'on leur apporte, en fait. C'est que la première écoute, à chaque fois, ils nous disent, mais comment vous le savez, quoi? C'est vraiment la première chose qu'ils disent, mais vous vivez ça, enfin, comment vous savez ce qu'on vit, quoi? Ça, c'est vraiment très important. Et puis, l'autre chose qu'on leur apporte, c'est la formation. C'est qu'on fait une formation des aidants, ça avait été prévu dans le premier plan Alzheimer. La formation des aidants, c'est leur donner un savoir pour pouvoir affronter. C'est vraiment c'est l'action la plus importante, avec en plus des groupes de parole et des choses un petit peu comme tout le monde. Un aspect qu'on n'a pas cité tout de suite, c'est la durée, hein. C'est que c'est une maladie qui peut durer 20 ans. C'est-à-dire que nous, on a eu un bénévole, sa femme est tombée malade à 60 et est décédée à 80. Et il l'a accompagnée tout ce temps-là. Il est mort 6 mois après. Mais c'est aussi la durée. C'est pas une maladie comme une dialyse, comme un cancer, parce que là, les malades, ils parlent. Les nôtres, non. Les nôtres, on ne sait pas. Ils parlent, hein, du point de vue, comme vous disiez tout à l'heure, sujet, oui, sauf qu'ils sont en danger. C'est le danger, hein, c'est la mise en sécurité et la durée, c'est épouvantable parce que c'est très long et de tous les instants. Je vous remercie pour Voilà. cette réponse qui permet aussi d'éclairer. Et vous avez évoqué le premier plan Alzheimer. Oui. C'est vrai que Gloria en parle Oui. dans son ouvrage, mais on n'est pas revenu sur cette question dans les questions posées. Mais on pourra peut-être aussi l'évoquer là avec vous. Parce qu'on parle beaucoup d'Alzheimer, justement dans des plans de santé publique, dans les médias, dans des campagnes de sensibilisation. Et est-ce que selon vous, cette visibilité reflète les réalités vécues par les personnes malades ou leurs proches, ou est-ce que au contraire, il y a quelque chose d'essentiel qui vient échapper à ce Complètement à côté. récit dominant? Alors déjà, on est bien d'accord qu'on l'appelle maladie d'Alzheimer. Donc une maladie, normalement, c'est traité par le monde de la santé. Donc sécurité sociale, hôpital, médecin, eh ben c'est pas vrai. Parce que le médecin, vous le voyez 3 heures par an, par rapport au fait que vous accompagnez un malade 24 heures sur 24 pendant des années. Donc il y a vraiment un problème, c'est que on est hors santé. Je crois qu'en 1995, le monde de la santé a dit: nous nous arrêterons au diagnostic et tout ce qui est l'accompagnement individuel de ce groupe qui est le malade et ses aidants, ben ça ne sera pas nous. Donc on pourrait imaginer que la sécurité sociale rembourse des auxiliaires de vie, rembourse le baluchonnage, rembourse. Eh ben non. Hein, donc déjà, je pense que là, il y a un vrai problème, c'est que c'est une maladie qui est traitée par le monde social. Donc il faut aller vers les aides sociales, les assistantes sociales, le département. Enfin, quand vous avez un cancer, c'est pas spontanément que vous allez au département, quoi. Et ben là, il faut y aller. Donc ça, c'est fondamental dans la prise en compte de cette maladie. C'est une maladie, mais ce n'en est pas une. Et puis après, c'est une maladie chronique, certes, mais dans laquelle le malade, pour les raisons que je viens d'évoquer, il est pas en sécurité. Et donc, on est obligé de l'aider. Et j'aime pas trop le mot dette morale, parce que en fait, on peut laisser tomber le malade. Et il y en a qui le font, mais moi, je ne les vois pas, ceux-là. Hein. Vous voyez bien qu'à France Alzheimer, je ne vois que des aidants. Hein. Ceux qui ont laissé tomber leur malade, je ne les vois pas. Donc, je ne sais pas me prononcer. Mais celui qui va l'aider, ben, il va vite s'apercevoir que le malade, ben, ah bah tiens, il risque d'oublier le gaz. Ah bah tiens, il s'est perdu. Ah bah tiens, il est tombé. Tiens, Et du coup, moi j'appelle ça le syndrome du et si ouvre la porte, et si il n'ouvre pas la porte, et si. Et ça, petit à petit, ça prend une pression énorme dans la tête, et on ne peut pas s'en décharger. Alors, on peut s'en décharger entre frères et sœurs, ou conjoint avec sa belle-sœur, ou on a des exemples, mais il n'empêche que dans votre cerveau, c'est une préoccupation. Je prends souvent cet exemple: quand un bébé vient de naître, c'est rarement que la maman et le papa ils vont au restaurant, quoi. Ils vont pas le laisser dans la chambre de l'hôpital et aller au restaurant. Eh ben, on tombe vite dans cette situation-là. Et nous, les aidants qu'on rencontre, ils sont dans cette situation. C'est pas le début de maladie, parce que le diagnostic est rarement posé tôt, mais c'est plutôt qu'ils sont vraiment dans l'ennui. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est pas de les désespérer, hein, c'est de les ramener vers le haut, vraiment, en disant on est ensemble. J'ai une expression, moi je leur dis on reste groupir, mais c'est vraiment de les ramener vers le haut. Mais quand ils viennent nous voir, franchement, ils sont pas dans le haut, hein. Ils sont vraiment dans des choses vraiment techniques, très très très bas niveau. Il y a un malade l'autre fois qui est venu avec son épouse et il nous a dit: hier, je ne l'ai pas reconnu, j'ai appelé la police. Et donc, la police est venue. Et on a un autre malade, un autre aidant qui a été en garde à vue. Parce que sa femme a appelé la police. Et puis, on a eu un malade qui est allé en garde à vue. Parce qu'il tapait sa femme. Donc, c'est beaucoup plus. Et moi, je ne veux pas noircir le tableau. Hein, au contraire, hein, je suis là pour les aider à sortir de tout ça et trouver des solutions. Mais je pense qu'on sous-estime l'affaire et le nombre de décès d'aidants. On enterre beaucoup d'aidants. Moi, j'ai participé à ces enterrements, quoi. C'est vraiment, on les enterre parce qu'ils sont épuisés, ils sont rincés. On parle de burn-out dans le travail, mais là, c'est un retraité qui est en burn-out 24-24, quoi. Hein, cet aspect-là. C'est pas de ça qu'on entend. Et une chose que je veux ajouter, c'est que très souvent, quelqu'un qui devient un aidant de malade d'Alzheimer, il nous dit: ah, mais je savais pas que c'était ça. Hein. Quand l'autre m'en parlait, là, en fait, c'est une maladie chronique, donc c'est malheureux, c'est triste et tout. Mais ils n'imaginaient pas cette charge quotidienne et continue. Et ensuite, le slogan de France Alzheimer, c'est: un malade qui est touché, c'est toute une famille. Bah voilà, hein, parce que la famille, bah on s'occupe plus de l'ado. Parce qu'on s'est tourné vers le plus fragile, du coup l'ado, lui, bah, il est un petit peu oublié. Et puis toutes les recompositions familiales, de par exemple l'épouse qui vit avec son mari, c'est la deuxième épouse, et qui du coup les enfants s'opposent au fait qu'elle veuille le faire rentrer en établissement ou même à l'hôpital et autres. Et alors là, on rentre dans des choses très compliquées. Avec les recompositions familiales, c'est il n'y a pas de limite. Hein. J'espère avoir Je... répondu. Oui, Denise, Je veux pas merci, je vous plomber remercie. l'ambiance, hein. Non, non, je formulerai pas ça comme ça, hein, c'est pas, mais c'est des éléments Bah, c'est notre intéressants, hein. quotidien. Donc, mais j'entends, et il y a des quotidiens qui sont plus difficiles que d'autres également. Moi, j'aimerais revenir aussi sur un moment important qu'on a évoqué dans l'entretien avec Gloria, qui est celui du diagnostic. Et dans les parcours que vous accompagnez, comment est généralement vécu ce moment? Alors déjà, il est dur à vivre parce que déjà, il faut arriver à faire le diagnostic. Alors déjà, même si vous le savez, vous voulez, vous autres, c'est plusieurs mois d'attente hein, pour pouvoir rentrer dans un cycle, surtout dans le 93, hein, dans le cycle consultation mémoire, par exemple, hein, ou neurologue ou autre, mais c'est très très long. Ensuite, alors déjà, il fallait l'accepter, l'idée de faire ça, hein, ça c'est compliqué. Et ensuite, un des gros problèmes qu'on a, c'est que le malade, il veut pas y aller. Puisque lui n'est pas malade par définition. Donc il refuse d'y aller. Donc là, on a des familles qui appellent, qu'on dit on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus, mais il veut pas, il n'ouvre pas la porte, il veut pas aller chez le médecin. Donc ça, c'est un autre premier sujet de rentrer dans le diagnostic. Après l'annonce diagnostique, dans la médecine, normalement, le diagnostic doit être annoncé au malade. Et on demande son avis s'il veut que quelqu'un d'autre soit présent. Donc vous voyez tous les problèmes que ça nous pose là. On est vraiment que c'est très compliqué. Donc on annonce que on lui demande est-ce que vous acceptez qu'il soit là? Je me rappelle que mon mari avait dit non d'ailleurs. Mais du coup, on va l'annoncer à la famille avec toutes les, comme vous avez dit, hein, Gloria, toutes les difficultés que ça pose, c'est-à-dire qu'il y a eu une famille, par exemple, le médecin a dit devant tout le monde, bah, bon, bah, vous avez un problème de mémoire, nana. Puis en serrant la main, il a dit au dernier, c'est Alzheimer. Sauf que c'était le dernier, que les autres étaient déjà partis, et que du coup, tout le monde s'est disputé. Ce diagnostic, il est difficile à avaler, mais moi, je pense franchement que quand les familles, elles ont déjà pris la démarche d'aller en consultation, elles savent déjà. Hein, on va poser un mot et je suis désolée, mais vraiment, il y a des fois, ils sont soulagés hein, parce que c'était bien ce qu'ils pensaient. Et donc, dans la famille, quand il y a le conflit, mais non, qu'est-ce que tu dis? Maman, elle va bien, pourquoi tu me dis qu'elle fait ça ou papa et là, du coup, il se pose quelque chose. Et c'est beaucoup trop long, beaucoup trop long. Parce qu'il n'y a pas de traitement, hein, on espère. Moi, je rêve que France Alzheimer disparaisse. Hein, il n'y a pas de traitement. Mais connaître le diagnostic, ça évite déjà toutes ces histoires de famille. Hein, enfin, ça évite. Ça évite pas, ça va mettre un pavé, mais au moins, on part de quelque chose, quoi. Hein, c'est en ce sens que j'avais préparé avec mes collègues hein, vos questions. Et ça, le diagnostic, il est venu vite en étant, on n'arrive pas à le poser. C'est dans ce sens. Moi, je vous remercie. Je trouve que ça vient éclairer. Enfin, Oui, vos approches à toutes les trois bien sûr, viennent éclairer différemment et différemment. compléter aussi C'est des spots, bien sur cette sûr. question. Peut-être avant de passer à... Merci, Denise, hein, pour Je ces t'en prie. réponses. Et peut-être avant de passer à des questions transverses où vous pourrez répondre toutes les trois, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans l'entretien avec Gloria, et je vais peut-être lui laisser la parole là-dessus, et parce que vous l'avez évoqué toutes les deux, Aude et Denise, en pointillé aussi de vos propos. Dans ton ouvrage, Gloria, tu interroges ce qui se joue aussi à l'échelle individuelle. Et donc, la vie on voit, on a un aperçu de la vie des patients et de leur nouveau rapport à la mémoire et à l'identité qui se crée aussi de leur côté. Et donc, tu interroges ce lien et la façon dont la mémoire autobiographique, qui est généralement considérée comme le socle de la personne, et bien Alzheimer vient heurter ce socle et annoncer une sorte de mort avant la mort de la personne. Et toi, tu opposes une lecture un peu plus fine, je trouve, autour de quelque chose qui demeure. J'aimerais savoir ce que tu entends par là, et est-ce que tu identifies une forme de survie, ou est-ce que c'est plutôt que les patients se sentent encore eux-mêmes, malgré leur assignation à la maladie. Et je trouve que ça vient entrer en écho avec ce que Denise aussi nous a présenté là sur ces cas où la police se retrouve mêlée. Enfin, voilà. Enfin, je voulais vous interroger. Puis si Aude, Denise voulait prendre la parole aussi sur cette question de ce qui demeure après la maladie. Voilà. Mais d'abord, Gloria, je t'en prie. Alors, par contre, attends, ton micro, voilà, c'est bon. Le son est réactivé. Merci, merci Marie beaucoup pour cette question. Finalement, ça tient au fil rouge de tout l'ouvrage qui est divisé. On peut dire que quand je me suis posé la question sur l'identité, sur cette identification entre mémoire et identité, la manière de la poser, cette question-là, au terrain, avec les patients, mais aussi avec les professionnels et les aidants, j'ai posé la question de manière double, en abordant ce qui part et ce qui reste, à leur avis, en perdant la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire que perdre la mémoire? Qu'est-ce qu'on perd quand on perd la mémoire? Et de l'autre côté, en miroir, qu'est-ce qui résiste à cette perte? Qu'est-ce qui se conserve? Malgré tout, malgré les disparitions, malgré les troubles. Donc c'est la même question, mais c'est posé de volets différents. C'est le pilier vraiment de cet ouvrage. Et les réponses que j'ai obtenues sont différentes par rapport au statut de la personne, bien sûr. Le professionnel était plutôt sur, considérait plutôt que la disparition n'existait pas vraiment jusqu'au moment où on perd ce qu'il appelait la conscience autonoétique, donc la mémoire épisodique. Ils font vraiment le lien entre mémoire épisodique sémantique, donc vraiment la conscience de soi. Mais ils disent aussi que cela peut arriver à la fin de l'avancement du processus pathologique. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui s'avère tout de suite. Alors que du côté des professionnels, il y avait un témoignage très intéressant. C'était un neuropsychologue qui me disait, même quand la. Quand, qu'est-ce qu'il y a de plus effrayant dans la maladie d'Alzheimer pour un proche d'être oublié, on l'a dit. Et aussi pour le malade, la peur de perdre le souvenir de l'autre, de ne pas reconnaître l'autre. Mais lui, il disait, il soulageait un petit peu ses interlocuteurs en disant, en fait, la relation, la fonction de la relation, même si le nom, je ne le rappelle pas, la fonction de la relation, elle est toujours là. Même si le malade appelle fille, la femme, il arrive à reconnaître qu'il y a une relation importante, significative. Donc, c'est la relation significative qui va rester. Et après, on a parlé de cette impossibilité de se désubjectiver complètement. Et si vous me permettez une minute de lecture d'un extrait, cette fois-là, c'est une traduction d'un extrait en italien que j'ai pu recueillir dans une autre enquête successive. Ça montre l'histoire d'une mère et d'une fille, encore une fois une fille, donc c'est des femmes. Qui arrive à conserver, à préserver l'identité et la subjectivité de cette patiente qui avait perdu les souvenirs, qui avait perdu même le langage, à partir de leur relation. Ça, c'était le témoignage de la fille. Je l'ai découverte, ma mère, et en faisant cela, je me suis découverte moi-même encore une fois dans ce nouveau rapport qui s'est créé comme si j'étais une fille quasi-mère parce que je prends soin d'elle. Il y a quelque chose qui a changé dans la relation, bien sûr, mais je reste toujours sa fille et elle reste toujours ma mère. Et cela ne peut pas changer. Donc, peut-être c'est vraiment cette relation qui ne disparaît pas, qui résiste à la perte de la mémoire, c'est parce que cette mémoire-là est, au fur et à mesure, en permanence, elle est reconstruite dans la relation. Voilà, si je peux répondre d'une manière directe, c'est plutôt ces extraits que j'aimerais partager. Merci, merci Gloria. Denise, Aude, si vous voulez rebondir, si vous avez pu observer un peu en lien avec le témoignage que tu viens de livrer, peut-être des proches qui venaient requalifier, retransformer ou essayer de maintenir de nouvelles manières d'être ensemble, par exemple. Est-ce que N'hésitez pas à partager. ce que je peux dire, c'est que quand j'ai parlé de formation des aidants tout à l'heure, c'est un des gros sujets de la formation, parce qu'on va former, on va parler des droits, on va parler de choses comme ça, mais c'est ces sujets-là dont on va parler, pour essayer de faire comprendre chacun à son histoire et à son fil à dénouer, mais c'est de ces sujets-là qu'on va parler. De tout ce qui fait que bah, il me reconnaît pas ou je veux dire on dirait qu'on l'a perdu on espérait même qu'il disparaisse hein, on a tout ça aussi qui apparaît hein. Et c'est de ça dont on va parler dans les formations et c'est ça qui fait que c'est fort et qu'après les gens se rappellent de cette formation c'est vraiment fort parce que tous ils témoignent de choses comme ça c'est trop ancré par exemple on parlait de guerre bah, il y a certains qui. Moi, je connais toutes les guerres qu'il y a eu en Europe, hein, parce que j'ai des témoignages des familles. Ben, les maris, ils sont en période de guerre. C'est-à-dire qu'ils prennent un barreau de chaise et c'est bon, ils savent s'en servir, quoi. Parce que c'est ça qu'ils vivent cette période en ce moment. Et j'ai dit ça à une fille dont le papa est un survivant de Pol Pot et le Cambodge. Hein, et quand je lui ai dit ça, elle a pu rentrer en dialogue avec le père. Et ça changeait pas sa violence, mais elle a pu comprendre que vraiment c'était pour ça. Et sa maman était devenue un envoyé de Pol Pot. Donc on est vraiment dans des choses qui sont. Là, c'est dans l'extrême, hein, mais c'est une reconstruction. Et la formation des aidants, c'est ça c'est là-dessus qu'on passe le plus de temps, en fait. Et on y revient, on y revient, on y revient. Ça revient tout seul. Hein. Les gens reposent la question. Ah oui, mais quand elle me dit, c'est vraiment ça le sujet. Je vous remercie, Denise. Ok. Aude, est-ce que tu veux rajouter aussi quelque chose? Ton micro est coupé. Pardon, je disais pas Non, forcément sur pardon. cette question-là, les témoignages Oui. étaient vraiment très parlants et ça rejoint des choses, voilà, qu'on j'ai pu observer aussi. Je vais vous, moi, on est passé déjà au temps un peu des questions transversales. Donc là, je vais essayer de vous poser des questions auxquelles vous pouvez répondre. Enfin, n'hésitez pas, hein, toutes les trois, à prendre la parole. Gloria, tu as travaillé sur le diagnostic comme basculement biographique. Aude, toi, tu insistes sur les inégalités sociales, genrées et familiales qui traversent ce diagnostic. Et Denise, bah, tu accompagnes des familles au quotidien. Donc, moi, j'aimerais savoir comment on peut croiser vos regards pour comprendre ce que signifie devenir malade d'Alzheimer un peu aujourd'hui. Parce que c'est une question, vous pouvez également revenir sur la question des différents plans, les grands plans Alzheimer qui ont été développés par l'État. Enfin, ça reste un. Même si Denise a rappelé justement que c'est une question sociale, la prise en charge, ça reste aussi un enjeu de santé publique, quelque part. Il y a un maintien aussi en tout cas dans l'imaginaire collectif de Alzheimer comme un enjeu de santé publique. Donc, je ne sais pas laquelle d'entre vous prendre la parole en premier sur cette question. Gloria, Denise, Aude. Gloria, je t'ai vu agiter ta bouche, donc peut-être vas-y. Oui, comme tu as évoqué, ça revient à la question des plans Alzheimer. Des plans Alzheimer, dans leur évolution, ont toujours évoqué cette socialisation de la prise en charge. Je suis tout à fait d'accord avec Denise. Cet accompagnement global, on le définit comme ça, et qui s'accompagne aussi d'une préoccupation à la précocité, à l'avancement d'un diagnostic précoce, le plus précoce possible. Donc, pour prévenir la maladie et pour prévenir le pire de la maladie, c'est-à-dire l'avancement des symptômes les plus contraignants. Voilà, ça c'est un avancement, surtout par rapport au cadre public de la santé publique aux États-Unis, par exemple, ou ici en Angleterre. C'est un avancement, mais il ne faut pas que ça reste un leitmotiv normatif et qui ne produit pas des effets dans la pratique, des effets dans la clinique. Je suis aussi, moi aussi, d'accord de l'importance de la formation des aidants, aussi, pourquoi pas, de l'importance d'une formation qui est permanente dans la professionnalisation des aidants professionnels aussi. Moi-même, j'ai cherché à faire accompagner des aidants dans des groupes de parole. Donc, je me suis aussi penchée sur ce volet un peu plus concret, un peu plus au service. Et ce que j'ai remarqué, c'est l'exigence vraiment de revenir, de réfléchir et de partager. Donc, aussi la possibilité de partager des expériences, de faire que ce tabou de fatigue, d'être bouleversé, la difficulté de l'accompagnement au quotidien, jour et nuit, la peur que la personne ne soit pas en sécurité, voilà, tout cela, déjà, c'est déjà bien de le partager. Donc, c'est bien l'accompagnement global, c'est bien l'accompagnement social, la prise en charge sociale et sanitaire en même temps, mais il faut aussi le concrétiser, voilà, dans des programmes d'éducation, des formations. Merci Gloria, Denise, Aude, est-ce que vous voulez rebondir? Moi, je veux bien Denise. encore dire une chose. On a parlé de Charlefoix tout à l'heure. Moi, j'interviens à Charlefoix. Je joue le rôle, en fait, ou de malade ou d'aidant dans les exercices d'annonce de diagnostic. Ça, c'est la première chose. Et puis, je participe aux formations des médecins dans les cours, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais pour témoigner de ce qu'est la maladie d'Alzheimer et en quoi elle est complexe. Et là, j'ai des très jeunes, en fait, très jeunes médecins. Donc, c'est nouveau, hein, on a dit, hein, Gloria l'a dit tout à l'heure, hein, les médecins. Moi, je pense que les médecins, ils trouvent des excuses à leurs difficultés, mais moi, je pense que leur première excuse, bah, c'est qu'ils n'ont rien à proposer comme traitement. Hein. Un médecin français, normalement, il y a un des symptômes, on donne un médicament, on guérit. Et là, ils sont impuissants. Hein. Et c'est terrible pour eux. Hein. Ils sont impuissants sur la façon de soigner, mais aussi sur la durée, sur comment ça va se passer. Des fois, sur un cancer, on dit, bah, il y a 6 mois, mais là, non, ils ne savent pas, parce que ça dépend de chaque malade, ça dépend de son histoire, etc. Et c'est une vraie impuissance hein, pour eux. Je comprends que des fois, ils veulent pas voir, parce que c'est terrible, ils n'ont rien à proposer. Hein, c'est vraiment terrible, ça. Enfin, merci Denise, Aude. Ouais, bon, pour continuer à croiser les approches, du Ouais. coup, je trouve qu'il y a plein de choses qui se répondent et peut-être je voulais essayer de rebondir sur ce que disait Gloria sur la question de la perte de soi, en fait. Donc, une des choses qui est centrale dans le livre, là, c'est le sentiment de perte de soi ou la peur de perte de soi ou de perte de l'autre qui est centrale autour de cette maladie, dans les représentations, etc. Moi, d'un autre côté, dans mon travail, j'essayais d'insister sur les différences selon les classes sociales, selon les ressources des personnes, etc. Du coup, j'avais envie de poser la question à Gloria, dire, bah, en fait, est-ce que ce sentiment de perte de soi, il est aussi important chez tout le monde? Est-ce qu'il varie pas selon l'histoire de vie qu'on a, les rôles qu'on a tenus dans sa vie, les métiers qu'on a exercés? Est-ce que ce qu'on a considéré comme central, à quel point ce qu'on a considéré comme central dans son humanité, dans son identité, est variable? Et j'avais été intéressée par des travaux de chercheurs et chercheuses qui ont regardé comment la centralité accordée à la mémoire, par exemple, ou aux capacités intellectuelles, aux facultés intellectuelles, elle était variable selon les milieux sociaux. Du coup, je me demandais si tu avais croisé cette question-là dans tes travaux, et par exemple la vision dramatique, ce que tu appelles la vision dramatique de la maladie qu'on retrouve chez certaines personnes. Ça dépend de quoi? Voilà, est-ce que c'est à quel point c'est ancré dans aussi des vies qui sont différentes, quoi? C'est différentes visions de la maladie. Moi, j'avais envie d'engager le dialogue là-dessus. Merci beaucoup pour cette question aussi très riche. Oui, j'ai parlé de vision dramatique, effectivement, mais à proprement parler, parce que cette vision est ancrée dans une société déjà à partir des narrations qu'on produit au cinéma, dans la littérature. Et ta question m'a fait penser au film style Alice. Là, on voit une femme. Il y a une partie de l'ouvrage qui analyse aussi les narrations, les productions culturelles dans le film, dans le théâtre, dans l'art. Et dans ce film-là, on voit par exemple une femme qui a été professeure d'université, donc avec des facultés cognitives bien à la hauteur, une femme intellectuelle, et qui à un moment donné commence à souffrir de maladie d'Alzheimer et de se rendre, elle se rend compte très très bien, elle est consciente du processus de dégradation et ce processus, on le vit, le spectateur le vit avec elle. On vit ce sentiment de perte soi-même à travers les pertes cognitives. Là, plus que la mémoire, c'est plutôt vraiment les facultés intellectuelles, la capacité de parler, de retrouver les mots, de parler au public et d'écrire des articles. Et là aussi, on voit comment tout cela va s'impacter sur la famille, sur le rapport avec la fille. J'ai trouvé ça aussi auprès des vraies personnes, des personnes que j'ai vraiment rencontrées. Par exemple, si quelqu'un se définit comme un commerçant ou un entrepreneur et qui va avoir du mal à suivre l'entreprise, alors ça, oui, tout ce qui rentre dans sa définition de soi-même ou sinon d'autres qui ont commencé à avoir les troubles au travail aussi ou en famille. Donc, ça tient aussi au lien strict entre la définition de nous-mêmes et le rôle que nous avons dans notre petit entourage ou dans la société tout entière. Mais là encore, peut-être un petit un exercice pour reconfigurer notre rôle, leur rôle, pour faire face à un changement. Le fait de changer des rôles ne veut pas dire de disparaître avant la mort du corps. Je vous remercie pour cet échange. Il ne faut pas hésiter si vous avez d'autres questions, les unes pour les autres également. Moi, j'aimerais aussi. Enfin, j'ai déjà un peu posé la question à Denise et sur ce qui échappe un peu dans le récit dominant autour. Autour d'Alzheimer, est-ce que c'est des vécus intimes qui sont extrêmement divers? Est-ce que c'est des inégalités sociales? Est-ce que c'est la réalité des aidants? Et on voit que c'est un peu tout ça, voire même des questions, des enjeux de prise en charge de la maladie. Parce que moi, je suis très intéressée en vous écoutant parce que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que Alzheimer est une priorité de santé publique, quoi. Enfin, quand on réceptionne en tant que grand public, et en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas, qu'il y a plein d'enjeux sous-jacents et de subtilités à des échelles infra qui échappent en fait à ces grandes mailles qu'on tisse derrière des belles campagnes de prévention entre guillemets ou de sensibilisation. Et je vais donc peut-être revenir à une question qui a mis qu'Aude a un peu bouté en touche, ou elle a invité du moins à ce que vous y réfléchissiez tout ensemble, à savoir des implications possibles pour les politiques publiques afin d'améliorer les conditions d'accompagnement et d'aide aux personnes. Et je trouve que là, il y a un beau lien qui se tisse entre les résultats de la recherche. Que recherche que vous avez pu mener, bah, Gloria et Aude, sur le sujet et au plus près des personnes, et une forme de traduction dans des actions. Donc, par exemple, ce que tu fais, Denise, et ce que vous proposez à France Alzheimer. Et voilà, je vous invite juste. Là, c'est un espace de réflexion. Il n'y a pas de réponse prédéfinie ou attendue de solution miracle clé en main. Et je vous laisse à nouveau la parole. Je ne sais pas laquelle d'entre vous veut répondre en premier. Gloria, si tu veux répondre. Je vais me lancer. Denise, En vas-y, fait, Denise. on dit maintenant qu'il y a 1 400 000 malades. Donc, vous comprenez que c'est un problème. J'ai estimé, je pense, le coût d'une dialyse, par exemple. Une dialyse qui est terrible, hein. On vient vous chercher, vous passez 3 jours attaché à une machine, on vient vous chercher, on vous ramène à domicile. Ça coûte 70 000 euros par an. Nos malades, ils ne bénéficient pas de ça. Et c'est ça qui ne va pas. C'est qu'on a des aides un peu, quelques heures par-ci par-là, qu'il faut aller piocher, qu'il faut aller justifier. Ça, c'est une chose aussi qu'il faut dire. Hein. La sécurité sociale ne vous demande pas vos revenus quand elle fait une grève du cœur. Hein. Et par contre, là, on vous les demande hein, pour le l'APA. Hein. Vous voyez, c'est des choses qui se glissent comme ça, subrepticement. Du coup, là, c'est marrant parce que l'inégalité, elle est sociale à l'envers. Là, c'est quand vous avez des revenus, on vous dit non. Vous avez qu'à payer, on vous dit non. C'est pas juste puisqu'ils ont cotisé à la sécurité sociale, par exemple. Mais dans l'histoire des inégalités sociales, c'est mon expérience 93 qui me fait parler là. J'ai le souvenir d'une dame, je pose toujours la question, qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes? Et il y avait une dame, là, il y a un truc qui lui posait problème. Ils étaient allés dans un appartement plus petit et le monsieur, il n'arrivait pas à se séparer de ses outils, il était plombier. Et donc, dans la chambre, il y avait tous les outils de plomberie. Et là, je lui ai dit, c'est ses doudous, il faut absolument lui laisser. Vous voyez, là, par rapport à l'identité. Mais du point de vue. Je veux dire, classe sociale, ce que j'ai remarqué moi, c'est que les gens les plus pauvres, ben, je dirais la maladie d'Alzheimer, c'est un emmerde de plus et ça passe. Je veux dire, ça passe. Hein. Ils souffrent et je ne veux pas dire que c'est facile. Hein. On les a aussi au téléphone et ils souffrent. Mais souvent, ça s'accompagne d'un enfant handicapé, ça s'accompagne de choses qui sont terribles et qu'ils ont déjà tellement pris les choses. Par contre, ceux qui pensent que tout peut s'acheter, là, ça marche plus. Parce que là, on ne peut pas acheter le meilleur neurologue, le meilleur médecin. On est démunis. Et là, il y a égalité, là, dans l'approche qu'on a, nous, avec les familles. Alors là, pour moi, c'est égal. Même si vous avez plus d'argent, on va dire, pour faire venir une auxiliaire de vie, mais faire venir une auxiliaire de vie quand vous avez été chef d'entreprise, dites-moi, c'est si simple. Vous voyez le truc? C'est très compliqué, ça devrait être sur ordonnance, tout ça. Parce que là, c'est les familles qui décident, qui l'imposent aux malades, et tout ça fait un cirque qui est pas possible. Ils ont besoin d'un accompagnement quotidien. Ce serait ça, la vraie prise en charge. Donc c'est pour ça que je vous annonce que juste avant la dissolution du gouvernement, il y a eu une nouvelle stratégie pour les maladies neurodégénératives qui donne lieu à une plaquette à laquelle participe France Alzheimer. Donc, on verra la suite, hein, puisque là, c'est l'interrogation. Mais c'est la première fois depuis 6 ans. Hein. Ça fait 6 ans qu'on attendait la suite du plan maladie neurodégénérative. Donc, on verra la suite. Je te remercie, Denise, et je te remercie pour cette annonce suspendue, effectivement, également au contexte, mais ça, on ne va pas en parler, au contexte politique français, peut-être encore plus chaotique que la prise en charge de la maladie Il y a d'Alzheimer peut-être eu dans un ce oubli même aussi. pays. Voilà. Merci. Aude Gloria, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Aude, vas-y, je te laisse la parole. Ouais, bah peut-être ajouter parmi les choses qui sont importantes, qui manquent et dont on a vraiment besoin, c'est aussi les d'avoir des données, savoir ce que vivent les aidants, aussi des données statistiques qui permettent de montrer l'ampleur du problème. Et une des choses qui vont arriver et ça va être important, c'est les données de l'enquête autonomie qui a été réalisée par l'ADRES en 2022 et les traitements statistiques vont commencer. On va avoir des données récentes. Alors, on était sur les avant avec les données de l'enquête de l'enquête les enquêtes handicap santé ménage et dans 2008. Et là, on va avoir des données plus récentes. Ça va être important pour connaître les situations des personnes aidées, des aidants, quantifier les besoins de répit, etc. Donc c'est aussi des choses qui vont permettre d'appuyer avec les travaux de l'ADRES et des chercheurs qui vont faire ressortir tous les résultats de cette enquête. Ça va permettre aussi de renouveler la réflexion prochainement. Je te remercie, Aude. Et effectivement, bon, sur plein de sujets nous, qui nous intéressent au PPR autonomie, ces données-là, elles vont être assez capitales et majeures. Gloria, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Parce que tu mentionnais aussi d'autres enquêtes que tu as pu mener toujours sur cette thématique d'Alzheimer. Donc peut-être que tu as aussi une perspective. Et puis tu as peut-être une perspective comparative. Enfin, je dis ça parce que tu nous as parlé d'un terrain italien. Donc, tu travailles en Italie actuellement, donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Tout d'abord, l'Italie, la santé publique italienne, en ce moment-là, souffre beaucoup. Donc, et sur cette question de la prise en charge des maladies chroniques, tout particulièrement, Il y a un véritable problème qui s'est posé bien avant la pandémie, mais encore plus exacerbé après la pandémie. Il y a une grosse question par rapport aux inégalités sociales et aux inégalités territoriales aussi. Ça parle un petit peu avec la situation, ça c'est. C'est comparé à la situation française. Nous, en Italie, on a plutôt une différence territoriale entre nord-sud, alors qu'en France, ce que j'ai pu remarquer aussi par des enquêtes, c'est plutôt centre-périphérie ou région francilienne et zone rurale ou zone sensible, urbain sensible. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis, comme je le disais tout à l'heure. Et si je pourrais juste rebondir sur cette question de comment réfléchir à des changements sociétaux dans la santé publique, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir aux places de ceux et celles qui n'ont pas l'entourage, parce qu'on a beaucoup parlé de l'entourage, on a beaucoup parlé des aidants, c'est très important, mais en même temps, je crois qu'un autre axe de production d'inégalités sociales, c'est le manque de réseau. Quand je parle de manque de réseau, je parle aussi d'un facteur de risque sanitaire, parce que le fait d'être isolé, c'est un risque sanitaire qui est rattaché à la dépression, est rattaché aussi à la maladie d'Alzheimer, notamment. Et cela pour impacter aussi, par exemple, sur des réseaux sociaux ou familiaux qui ne sont pas. Qui sont très stricts, très isolés, qui n'ont pas des ressources et des moyens pour, même économiques, mais pas seulement culturels, sociaux, pour chercher de l'aide, pour prévenir. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la prévention auprès de la population issue de la migration. Et là, pour exemple, si on part de bien vieillir et si on construit des plans bien vieillir, on ne considère pas qu'il y a des personnes qui ne. Qui ont un autre enjeu, l'enjeu de ne pas mal vieillir. Et donc, tout cela, je pense que c'est vrai qu'il faut faire quelque chose pour aider les familles et pour aider les malades, mais il faut faire quelque chose aussi pour aborder la question de l'isolement qui est au cœur de toutes ces questions-là. Je te remercie, Gloria, aussi d'avoir évoqué cette question hyper intéressante de celles et ceux qui ne sont pas, qui sont pas accompagnés, comme tu dis, qui sont fortement isolés. On va s'orienter doucement vers la toute fin de cette émission. Donc, je vous laisse, si vous souhaitez ajouter quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Si vous vous sentez frustré par rapport à une thématique qui n'aurait pas été abordée et dont vous voulez vraiment discuter, maintenant. Aude, je t'en prie. Oh, moi, c'est pas une frustration, mais c'est un petit complément, puisqu'on était dans les conseils de lecture aussi. Ça peut intéresser les Bien sûr. auditeurs. Il y a un livre collectif là, récent qui s'appelle La sociologie face à la maladie d'Alzheimer, coordonné par Aline Chamaillan et Vincent Caradec. Et ils ont fait tout un travail de demander à plein de chercheurs en sociologie hein, qui ont travaillé sur ces questions-là dans les dernières années. Comme ça, ils font une sorte d'état des lieux et puis ils ouvrent des pistes sur bah, qu'est-ce qui pourrait être encore travaillé après. Ça, c'est, je pense, bien dans le thème de l'émission et une référence intéressante là-dessus. Effectivement, merci. Puis on l'ajoutera dans les liens sur la page consacrée à l'émission. Et on précise, ce n'est pas une publicité parce que Vincent Caradec gère notre programme. Hein. Ah bah, c'est tout à fait exprès. Ce n'est pas fait exprès, non, mais voilà, je le précise. Hein, voilà, on est clair là-dessus. Denise et Gloria, quelque chose à ajouter avant qu'on se dise bonsoir. Et au revoir. Ben, un espoir sur la recherche, hein, encore une fois, j'aimerais que France Alzheimer disparaisse. Beaucoup de recherches sur le diagnostic par rapport à prise de sang, l'iris de l'œil, etc. Ça, c'est et puis beaucoup de recherches sur comment reconstituer des neurones qui ont disparu. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup dans le monde entier puisque ça touche le monde entier. Effectivement. Et Gloria, un dernier mot. Oui, juste pour terminer, avant de remercier tout le monde, si c'est un travail qu'il faut faire en réseau. C'est un travail de réflexion sur des changements publics, de politique publique. Aussi, ce que j'ai cherché à faire dans mon ouvrage et dans les formations que j'ai évoquées dans le groupe de parole avec des aidants familiaux. Il faut aussi en vérité, il faut s'investir non pas seulement sur la prévention et la thérapie, mais aussi sur notre conception dramatique ou négative, comment on veut l'appeler, de travailler vraiment sur une définition d'humanité qui est différente, qui peut faire penser à la permanence du sujet face à la perte de la mémoire biographique. Donc, on peut s'investir là-dessus, faire des formations, faire des discussions, relativiser. Voilà. Ben je vous remercie. Je vous remercie toutes les trois Merci. d'être venues ce soir. Je trouve que c'est Merci. un échange très, très intéressant. Je remercie à nouveau les équipes de SILS qui sont avec nous, donc Anne-Marie et Christine. Et Marcel, évidemment, à la technique. Donc, avant de vous quitter, il me reste à parler de nos actualités. Alors, vos actualités respectives, si vous en avez. N'hésitez pas, Denise nous a parlé du dernier pré-dissolution de présence de France Alzheimer dans le dernier plan qui est prévu. Aude, Gloria, si vous avez des publications récentes, n'hésitez pas. Non. Je ne sais pas si c'est faisable parce que c'est des publications qui ne sont pas en français. C'est des publications en anglais, si vous voulez. On peut toujours essayer, Gloria, on mettra toujours. Donc, n'hésite pas, c'est un article? Pardon, c'est un article en Conseiller anglais? un article, Ah, ben oui, si, je t'en prie. justement sur ce sujet de epistemic injustice, l'injustice épistémique. Et c'est un article qui est sorti sur une revue à accès libre qui s'appelle Super. oui, donc qui s'appelle British Academy. Et le titre est, désolé, juste un moment, Trusting the Permanence of Self for People with Alzheimer's Disease, publié en 2023 dans la revue British Academy. Vous trouvez tout ça sur Super. Internet. Si vous voulez, je partage le lien. C'est super. Merci beaucoup. On le rajoutera pareil dans la description. Et bah, merci à toutes les trois. Et donc, on se retrouve pour une prochaine émission le 24 octobre. Et n'hésitez pas, nous, au PPR Autonomie, on a une newsletter. Donc, si vous êtes intéressé par les sujets qui touchent au handicap ou au vieillissement, vous pouvez vous abonner à notre newsletter et puis nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Donc, LinkedIn, je parle sous le contrôle de ma collègue Laure. LinkedIn, notre chaîne YouTube, évidemment, Blue Sky, Mastodon. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà. Et merci à toutes et à tous de nous avoir Merci suivis beaucoup. ce soir. Et Merci. bonne soirée! Merci.